suis ton copain de sexe et c'est très bien pour toi. Je suis ton copain de sexe et c'est très bien comme ça. Je suis ton copain de sexe et c'est tout ce que tu veux. Je suis ton copain de sexe et je suis malheureux. Car tous tes copains de sexe, je les croise souvent. Ils sont partout et tous les jours et tu les aimes autant. Je crois que ton copain de sexe est amoureux de toi. Oui, moi je t'aime comme personne jamais ne t'aimera. Mais je ne suis que ton copain de sexe, un détail dans ta vie, parmi bien d'autres copains de sexe que tu suces aussi. Mais eux sont des vrais copains de sexe qui veulent juste se vider. Moi je suis ton copain de sexe qui t'aime à tout jamais.